Eh bien, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Sautet. Nous avons le plaisir de passer une petite heure avec lui. On va parler de course à pied, de sport et de, eh bien, tout un tas de sujets de ce genre, de réathlétisation normalement, parce que Guillaume a un parcours particulièrement intéressant. Et puis, son visage va sans doute parler à pas mal de personnes, puisqu'il écumait les forums de course à pied il y a bientôt 20 ans, n'est-ce pas? Du temps du forum UFO, oui. Alors, comment vas-tu, Guillaume? Ben, ça va très bien, merci de m'accueillir chez toi, et dans ton magnifique studio. C'est ça, on est dans le studio d'enregistrement à la Plaine Saint-Denis actuellement. Voilà, on a mis les moyens. Là, on est sur un budget à 4 chiffres hein, pour accueillir Guillaume. C'est un hôte de marque qui nous vient du Havre. Oui, il y en a qui viennent de Haute-Savoie, moi je viens de Haute-Normandie. Ok, donc en termes de hauteur, c'est un petit peu moins peut-être. Un petit peu. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui te reconnaissent difficilement? Alors, pour ceux qui étaient sur les mêmes forums que moi, mon pseudo c'est toujours d'ailleurs Katson. Dans la famille, on aime beaucoup les chats, donc faut pas chercher trop à intellectualiser l'origine de ce pseudo, mais enfin, ça me plaît bien d'être en quelque sorte une sorte de fils du chat ou quelque chose comme ça. Et donc j'étais Katson sur les forums. J'ai 54 ans, je fais du sport depuis que je suis tout petit, mais je cours, on va dire, depuis une quarantaine d'années. Je suis marié, j'ai deux enfants, deux filles, qui sont presque adultes aujourd'hui. Près de 40 ans que tu cours, c'est ça? Oui, on va dire près de 40 ans que je peux dire je suis un coureur à pied, voilà. Sinon, je cours depuis, comme tous les enfants, depuis quasiment la naissance. J'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, en fait. Jamais à haut niveau. Hein. Ta chaîne YouTube s'appelle Poirot et ça me va très bien. Cependant, on va voir que quand même, il y a quelques coups d'éclat. Même si ce n'est pas du haut niveau, c'est ouais, du... Ouais, on pourra en parler, mais bon, c'est loin d'être du haut niveau. Enfin, en tout cas, je faisais du football, du foot quand j'étais jeune. Pendant, on va dire, mes 15-20 premières années, j'ai fait du foot. J'ai fait pas mal de tennis aussi, mais totalement amateur. Jamais pris de cours, jamais de compétition. Voilà. Et je suis venu à la course à pied, en fait, par un concours de circonstances. Je viens du Havre, comme on l'a dit tout à l'heure. Au Havre, il y a un célèbre pont... qui a été inauguré en 1995, qui s'appelle le pont de Normandie, qui relie les deux Normandies, donc la haute et la basse. Et à l'occasion de l'inauguration du pont de Normandie, ils ont créé une course, hein, c'était juste un one-off, une petite course de 16 ou 17 km, qui partait au pied du pont, et il fallait monter, grimper ce pont. Alors on imagine, un pont, c'est pas beaucoup de relief, mais enfin chez nous, c'est à peu près le point culminant de la Normandie, on va dire. Le point de Normandie, j'exagère un peu, mais... Et je me suis inscrit, comme beaucoup de gens, à cette course, parce que c'était l'événement, l'inauguration de ce pont. Et puis, ça a été la révélation. La révélation de... pas pour la course à pied elle-même, parce que je courais, mais c'est pas le plaisir de courir. C'était surtout le plaisir de participer à cet événement... Et l'ambiance de fête qu'il y avait et d'entraide, c'était vraiment, vraiment agréable. C'était vraiment une révélation, et en particulier, on peut en parler un peu, mais enfin, en comparaison avec le football d'où je venais, où l'ambiance sur les terrains n'était pas du tout, du tout la même. Alors que, par contraste, la course à pied, c'est le sport d'équipe en réalité. C'est une certaine émulation, c'est ça, entre les participants. Tout le monde doit arriver au bout. C'est pas nous contre les autres, c'est nous contre nous-mêmes, éventuellement, ou contre un parcours. Mais le but, c'est d'y aller ensemble, en fait. Et ça se ressent vraiment. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti énormément, et pourtant j'étais jeune, hein, j'étais ado, donc c'est pas quelque chose que j'intellectualise aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai vraiment vécu sur le moment, que j'ai vraiment ressenti sur le moment. Et c'est de ce jour-là que je me suis mis à courir. Voilà. À courir, à être un coureur, on va dire. Ouais. Et j'ai vite enchaîné des courses, en fait, parce que j'ai tout de suite voulu revivre ça. Et je me suis inscrit sur un semi, et puis très vite, ça c'était l'inauguration du pont Normandie, c'était en janvier. En juin, j'ai fait mon premier marathon. Ah oui, effectivement. Le marathon de Caen. Donc en Normandie, c'était pas très loin. Je suis quand même descendu. Hein. Je viens de la Haute, si j'allais en basse Normandie quand même. Quand même un beau déplacement, on va dire. Et le 3 juin 1995, je faisais mon premier marathon à Caen. Et je me souviens très bien de la date parce que c'était le 4 juin, j'ai fait mon premier marathon à Caen. Et je me souviens très bien de la date parce que le 3 juin, je me mariais. Donc c'était en quelque sorte mon voyage de noces. Ah oui, ton épouse ne participait pas, elle. Alors, elle participait pas, mais pour moi, la course à pied, c'est vraiment quelque chose que je vis en famille. Ça a toujours été comme ça, dès le début. Alors, ce jour-là, elle n'a pas fait le marathon, c'est vrai. Ma femme ne court pas, d'ailleurs, mais elle marche très, très bien. C'est une très bonne marcheuse. Pas une marcheuse athlétique, mais une très bonne marcheuse. D'ailleurs, elle fait beaucoup de courses horaires. Mais les courses, ça a toujours été l'occasion d'un déplacement ou d'un voyage en famille, soit en couple, soit avec les filles. Beaucoup, elles adoraient ça, surtout sur les courses horaires. C'est vraiment une petite parenthèse vacances, en fait, hein, pour elles, et puis une ambiance vraiment très particulière. Donc elles ont pu visiter des magnifiques lieux comme Arcueil lors de ces déplacements. Arcueil, ouais. Alors, les filles, je sais plus si elles étaient là à Arcueil, mais... Arcueil, c'est Philippe Aimonière, l'organisateur, c'est exceptionnel. Malheureusement, ça n'existe plus. Et oui. Et donc, au tout début, là, tu étais, entraîné, ou c'était vraiment comme ça, à la va comme je te pousse Alors, je n'étais pas entraîné à la course à pied quand j'ai fait ma première course, ça c'est sûr, mais je m'y suis mis tout de suite. Mais je m'y suis mis... Sans structure du tout, je courais. Pas de club, pas de... Non, j'ai pas de club. C'est tout récemment que je me suis inscrit dans un club, et pour une autre raison que l'entraînement, on y viendra, que l'entraînement à la course à pied. Mais je me suis toujours entraîné tout seul. Ça a été plus structuré par la suite, mais au départ, c'était pas du tout structuré. Mais par contre, j'étais en très bonne forme physique, donc je veux pas dire que je performais, c'est pas vrai. Encore une fois, moi je me qualifie toujours, je me suis toujours qualifié, je me qualifie toujours de coureur du dimanche, et ça me va très bien. Néanmoins, j'étais jeune, j'étais sportif, donc à l'époque, je courais le semi-marathon en 1h30. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal aujourd'hui. Je le ferai peut-être encore aujourd'hui, mais avec un autre entraînement, quoi, on va dire. À l'époque, je le faisais naturellement, on va dire. Oui. Et puis, sur mon premier marathon, je me souviens que j'étais allé à la boutique du marathon à Paris. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de magasins de running que ça. Hein. Moi, je venais de Normandie, il n'y en avait pas. Donc, quand je voulais aller à un magasin de running, j'allais à Paris. Et c'était la boutique du marathon qui était très connue. Et qui existe toujours, d'ailleurs, je crois. Et je voulais acheter des chaussures pour courir mon marathon. Et je me souviens que la personne avait dû me demander quel temps je voulais faire. Je dis 3h15. J'ai fait le semi-marathon en 1h30. 3h15, ça doit être... un peu de mathématiques. Le doigt dans le nez. Et elle m'a dit... « Oh, mais attention, ça marche pas du tout comme ça, il faut un peu d'expérience, peut-être à terme ça reviendra comme ça, mais je suis sorti de là en disant « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas possible !» Au final, j'ai mis 3h40 ou quelque chose comme ça, mon premier marathon au bout de 4 mois, j'étais bien naïf, comme beaucoup de coureurs, hein, mais bien naïf de penser que ça allait se faire tout seul. Au bout de, je sais pas, 30 km, je me suis retrouvé allongé au bord de la route à essayer de récupérer mon souffle. J'ai pas mal marché. Bref, c'est pour l'anecdote. Voilà comment a commencé ma, entre guillemets, carrière de coureur. Comme beaucoup, quoi. C'est un peu à l'arrache. Ouais, comme beaucoup. Cependant, t'as commencé vraiment tout, parce que dans tout le groupe de coureurs qu'on connaît, qui étaient sur Ultra Fondu, qu'on connaît encore aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui ont commencé sur le tard. Tu sais, une fois déjà adulte, une fois la vie professionnelle déjà bien ancrée, avec éventuellement un petit surpoids, des trucs à surveiller, l'apparition des risques cardiovasculaires. Non, et on se dit, on va se mettre à la course à pied pour la santé plutôt. Toi, c'est vraiment beaucoup plus... C'est vraiment une révélation sur cette course que j'aurais pu ne pas faire, en fait. Oui. À hasard. Non, alors par contre, l'ultra, c'est venu plus tard. Ça, c'est clair. Là, mon premier ultra, ça date de 2008, donc il y avait quand même pas mal de temps entre ans, les deux. Moi, j'ai longtemps été inscrit sur un forum qui s'appelle Courir le Monde et qui regroupe beaucoup de gens qui font du marathon, en fait. C'est même des collectionneurs de marathons qui ont des CV de marathoniens par centaines, en fait. Hein, alors moi, j'étais pas aussi prolixe, hein, j'étais pas aussi gourmand qu'eux, mais enfin, je courais quand même pas mal de marathons à cette époque-là. J'ai mis quand même un moment à venir à l'ultra. Mais par contre, c'est quelque chose que je connaissais depuis très longtemps. Parce qu'en 1995, ma femme, je parlais un petit peu de ma femme, Stéphanie. C'est grâce à elle, en fait, que je suis arrivé à l'ultra, en fait. Même elle courait pas, mais il se trouve qu'elle a commencé sa vie professionnelle dans une compagnie d'assurance, et elle était collègue. Ils étaient une petite équipe de 10 qui rejoignaient en même temps cette compagnie d'assurance, et ils avaient une équipe, et il y avait Serge Girard dedans. Et donc j'ai rencontré Serge Girard comme ça, okay. C'est le collègue de ma femme. Vers quelle année alors? Alors ça, c'était en 1995. Okay. Donc, je venais de commencer de courir. Lui, il avait déjà traversé l'Amérique. Ouais. Mais une fois, hein, il n'était pas encore connu à ce moment-là du tout. Mais néanmoins, on a très vite sympathisé parce que moi, j'étais dans la finance et lui, il adorait ça aussi. On avait des grandes conversations sur les options, etc. Les montages d'options synthétiques, etc. Enfin, on s'amusait bien avec des délires de finance. Et en même temps, sur la course à pied aussi, ce genre de conversation. On a fait quelques sorties ensemble. Alors, c'est marrant parce que moi, j'habitais dans la campagne autour du Havre, et lui aussi d'ailleurs. Et une fois, on est allé à Étretat ensemble. C'était une sortie de 30 km. 30 km, bah, pour moi, c'était quand même un peu le bout du monde déjà. Hein. Et je me souviens qu'on arrivait à Étretat, j'étais quand même mort. Et pourtant, c'est une descente, hein, mais c'est la fin quand on arrive sur Étretat, sur la valeuse d'Étretat, c'est une belle descente. Mais j'étais complètement explosé. Et lui, quand il me dit, oh bah, ça y est, moi, au bout de 30 km, là, je commence à bien me sentir. Et c'est vrai, de fait, il était devant, il partait, il était super à l'aise. Mais il mettait un certain temps à se mettre en route. Moi, j'étais complètement éteint à ce stade-là. Donc voilà comment je suis. Donc je connaissais l'ultra déjà. Ok. Et on l'avait accompagné. C'était l'époque, il faisait des courses horaires. Serge Girard a fait beaucoup de bon, enfin, tous les parcours qu'on connaît, mais il a fait assez peu de courses officielles. Mais à cette époque, il en faisait déjà. Il a été invité notamment à une course qui était un peu mythique, en tout cas qui l'est pour moi, et qui était mythique à l'époque dans le milieu de l'ultra course horaire. C'était les 48 heures de Surgères, à la grande époque de Yanis Kouros. Et donc il a été invité à Surgères et on l'avait accompagné avec ma femme et là c'était encore une autre révélation, quoi. Le monde de l'ultra qu'on connaissait pas mais... Donc Surgères, ouais, pour resituer en quelques mots, toute petite piste, Une petite piste des en gens qui cendrée, tournent enfin là-dessus en pendant 2 jours. terre, hein, oui, elle fait même pas 400 mètres la piste, hein, je sais plus combien elle fait mais peut-être 250 mètres, quelque chose comme ça. Des gens donc qui courent pendant 48 heures, Yanis Kouros. Hallucinant. Enfin, Yanis Kouros qui court à 15 à l'heure pendant 24 heures, qui bat le record du monde des 24 heures sur le 48 heures. C'est du délire. Quand on connaît pas ce monde-là, c'est absolument fascinant. Et puis des personnages qu'on rencontre exceptionnels. Je me souviens d'un coureur australien qui s'appelle Joe Record, je crois qu'il est mort depuis. C'était pas un des plus performants, mais il était fascinant parce qu'il faisait ça de façon très naturelle, très simple, très complètement à l'arrache, quoi. C'était peut-être un petit peu le Anton Kroupitsa de la piste. C'est... Et on rencontrait des personnages fabuleux à Surgères. Donc ça a été une vraie révélation. Ouais, ouais. Et ensuite, bon, on l'a suivi un peu sur ces 24 heures, etc. Mais il m'a fallu quand même donc pas mal d'années, hein, puisque de 1995 à 2008, pour que je finisse par me dire que bah, moi aussi, peut-être que je pourrais tenter l'expérience. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait basculer justement des courses jusqu'au marathon à au-delà du marathon ou... Ça a été un processus lent, on va dire. Je pense que le forum ultra fondu, évidemment, a un rôle important. Le forum et puis la revue, enfin le magazine. Moi, ils sont encore dans mes placards. Hein. J'ai la collection. J'ai pas la collection complète parce que je suis arrivé un petit peu sur le tard. Mais tous ceux que j'ai, enfin, j'étais abonné pendant pas mal d'années et je les ai toujours. Si, c'était. J'étais fasciné par le magazine, par le forum. Les gens qui avaient dessus, que je connaissais que de pseudo, mais qui faisaient vraiment extrêmement envie, des récits de course. Oui, et puis, donc, il y a un moment donné, et je pense même avant de me dire, moi aussi je suis capable, il y a eu l'envie de s'inscrire, et puis l'inscription finalement qui a suivi. Je crois qu'en ultra, si on attend d'être prêt, on ne s'inscrit jamais. Donc il faut, à un moment donné, On a envie d'y être. Quand on est autour de la piste, alors moi j'ai commencé par les 24 heures, parce que c'était naturel, parce que c'était comme ça que j'ai découvert l'ultra. Et c'est comme ça que. C'est ça qui m'a fait rêver au départ, et qui continue d'ailleurs. Hein. Je continue à adorer les formats de course horaire. Donc j'ai commencé par ça. Et. J'avais envie de faire partie de ce monde, voilà. Avant même de me dire. Je vais pouvoir performer là-dedans. Je vais dire, non, ça, c'était pas important, en fait. Ben oui, le fait d'avoir assisté, je pense, à 48 heures à Surgères, qui est une épreuve mythique, d'avoir côtoyé ces gens, comme tu disais, qui peuvent paraître ordinaires, mais qui font des choses qui paraissent extraordinaires, forcément, ça titille un peu, ça attire. De côtoyer le forum ultra fondu aussi, où on se rend compte que les gens, bah, finalement, ce sont pas des monstres, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des familles, qui... ont d'autres activités, d'autres passions, mais qui font ça aussi. Donc il y avait cette espèce d'émulation quand même, aussi de recherche un petit peu dans les années 2000, parce que ce n'était pas encore des disciplines très pratiquées par beaucoup de monde, et on essayait des trucs pour voir un petit peu ce qui allait se passer aussi, des trucs débiles parfois. Ouais, mais c'est ça qui fait envie en fait, c'est justement le côté expérimental. D'ailleurs, ça l'est toujours un petit peu. Enfin, c'est vrai que le trail s'est développé énormément, mais quand on parle d'ultra aujourd'hui, tout le monde pense à trail, mais en réalité, l'ultra, ça existe depuis bien plus longtemps. Même, il me semble que plus de 100 ans, hein, déjà, qu'il y avait déjà des longues marches, voire des longues courses. Des courses, Il y avait une des premières disciplines, c'était les 6 jours. Hein. C'était des exhibitions, un petit peu comme des cirques, où il y avait des grands favoris, des gens qui étaient connus, en Angleterre notamment, à Londres, qui s'affrontaient sur des tout petits circuits en ville comme ça. Il y avait des paris qui étaient faits sur ces gens-là, qui allaient gagner, les kilométrages, etc. Ça, c'est fin des années 1800, quelque chose comme ça. Donc, c'est vieux. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les courses horaires, c'est toujours quand même assez confidentiel. Ça reste assez confidentiel. Mais pour moi, c'est quand même souvent là que je prends le plus de plaisir, en réalité. Hein. C'est vraiment... j'aime bien, je fais du trail. Je ne me considère pas comme un trailer, moi. Souvent, on me demande, t'es un coureur ou un trailer? Mais non, je suis pas... Moi, je suis un coureur. Je suis pas un trailer. Je fais de temps en temps du trail. Tes genoux montrent que tu es un trailer. Non, mais je cours. Enfin, je cours ou je marche ou peu importe. Mais moi, je suis un coureur et... Le concept, aujourd'hui, on parle de concept, il y a un concept de coureur hybride. Ça me fait bien marrer, moi. Je suis un coureur, c'est tout. C'est vrai que ma saison, souvent... Enfin, saison, c'est un bien gros mot. Je suis pas organisé comme un coureur professionnel, mais généralement, les 6 premiers mois de l'année, c'est route et la suite, c'est plutôt trail. Voilà. C'est comme ça que j'organise mon année. Mais je suis un coureur, je suis pas un trailer. Peu importe. Et vraiment, je garde vraiment, en tout cas dans mon cœur, une place énorme pour les courses horaires, parce que c'est comme ça, encore une fois, que j'ai découvert l'ultra. Et Et les 24 heures, j'adore ça. Et paradoxalement, parce que c'est vrai que comme j'ai découvert l'ultra à travers le 48 heures, quand je voyais, j'allais sur les 24 heures, j'étais un peu condescendant. Je me disais, oh, les petits Facile. slips là, ils sont sur la 24 heures. En réalité, c'est génial. Aujourd'hui, je considère quand même que le 48 heures, c'est beaucoup plus dur. Hein. J'en ai fait un dans ma vie et j'ai vraiment, vraiment, vraiment souffert. Mais le 24 heures, c'est génial. Le 24 heures, ouais, t'en as fait une dizaine peut-être, t'as participé Ouais, on va dire une bonne douzaine, oui. une douzaine, ouais. Alors avec, je suis allé regarder un petit peu tes performances. T'as plusieurs belles marques et t'as une très belle marque, un peu plus de 220 km. Ouais, C'est énorme! c'est pas mal. Carrément! Ouais. Il y a très peu de monde hein, En qui atteignent fait, ces kilométrages. ouais, c'est vrai. Alors, je sais pas trop quoi en penser en réalité, parce que finalement, c'est pas plus dur de. Enfin, je me rappelle un peu des jours où j'ai réalisé ces performances-là. Quand je fais 220, c'est pas plus dur que le jour où je fais 200, ou le jour où je fais 210, ou le jour où je fais 180 ou 190. Quand je fais 180, c'est que je peux pas faire plus de toute façon, et bon, bah, je suis à fond et je souffre autant. En fait, finalement, le jour où j'ai fait 220, d'abord, j'ai passé 220 qu'une seule fois. Hein, bah, c'était un jour où j'étais en forme, tout simplement, voilà, c'était pas plus difficile qu'un autre. Pour C'était une course parmi toi, d'autres, en fait. Voilà. au niveau forme, t'étais pas spécialement mieux le jour où t'as fait 221 qu'un jour où t'as fait 180? Pas forcément, non. Je pense que c'est une question de gestion, de course. Je saurais pas dire. Je saurais pas trop expliquer, en fait. C'est vrai que il y a énormément de paramètres dans un 24 heures. Voilà, si t'as un peu de problème d'estomac, bah, tout de suite tu vas perdre 30 km. S'il fait froid, que t'es pas assez couvert, ou si t'as des cailloux parce que t'es sur Ouais. une piste et qu'il faut. Donc il y a énormément de paramètres, c'est vrai, qui peuvent influer. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer sur 24 heures ou sur une course horaire en général. Ouais, c'est difficile de garder un objectif, en fait. Mais à la rigueur, peu importe. Moi, c'est vraiment l'ambiance qui m'intéresse sur ces courses-là. Et c'est vrai que ce jour-là, bah, je me souviens que tout s'était super bien passé. On dort pas sur 24 heures en théorie. Enfin, moi, quand je dors sur 24 heures, c'est que j'ai raté mon 24 heures, peu importe la performance, peu importe le kilométrage ou peu importe le classement. Mais oui, ce jour-là, bah oui, fatalement, ça s'était mieux passé qu'un autre. Hein, mais ouais, pour moi, ça reste une course parmi d'autres, en fait, peu importe. Et c'est vrai que j'ai fait quelques bons classements aussi. J'ai gagné quelques courses, j'ai fait quelques podiums. Mais en fait, ça veut rien dire sur une course horaire, parce qu'il y a Il y a tellement peu de monde qu'en fait le classement il dépend de qui est là. S'il y a personne de meilleur que toi, tu finis premier, mais bon, ça n'a aucun intérêt en réalité. À la rigueur, on peut comparer par rapport aux performances du champion du record du monde, et là, bah, là on rigole du coup. Hein. Le 24 heures, alors dans les années fin des années 2000, début 2010, c'était quand même une discipline assez en vogue. Il y avait Ouais, il y avait des plus épreuves de qui se courses. créaient, il y avait des participants, enfin, il y avait des pelotons quand même assez consistants. Et puis depuis, ça a redescendu de nouveau, les épreuves arrêtent, même des 24 heures historiques hein, qui avaient lieu depuis plus de 20 ans Ouais, se sont arrêtées. que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de faire, Ouais. mais. Et qu'est-ce que tu dirais pour attirer des gens, pour les titiller un petit peu, leur dire que ça vaut le coup d'essayer Ah, de... mais j'ai pas du tout envie de les attirer, moi. Ah, non, non, alors déjà, j'ai pas envie de. Déjà, je considère que chacun doit mener sa vie comme il veut, comme il entend, et surtout suivre ses propres envies. Ça sert à rien d'aller faire un trail parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, quoi. Et ben, le 24 heures, c'est des petits pelotons, on va dire, et c'est bien comme ça. Alors, si je peux dire pourquoi moi j'adore ça, et ça va peut-être donner envie à des gens, mais j'ai pas envie de convaincre les gens de le faire, parce que je préfère que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire, et point barre. Cela dit, l'ambiance sur une course horaire, elle est extraordinaire, parce que il y a peu de courses et peu de coureurs, donc on se retrouve d'une course à l'autre, et c'est une petite famille en quelque sorte. Alors, c'est vrai que, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai arrêté de courir pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, je connais beaucoup moins de gens sur le circuit. Mais à l'époque, quand j'allais sur un 24 heures, je connaissais la moitié du peloton. Et 24 heures, on court pas vite, donc on parle pendant 24 heures, on rigole, c'est une ambiance incroyable. Et là où il y a l'ambiance la meilleure, plus c'est long, meilleur c'est en fait. Et là où c'est le mieux, c'est les 6 jours. Je suis allé, je crois, 8 fois aux 6 jours de France. Enfin, 6 jours à l'Alpeox, 6 jours d'Antibes, après 6 jours au circuit de Luc. Après, ça a été où à Privas, autour de la piste d'athlétisme. Maintenant, c'est dans un camping. Je ne suis pas encore allé, mais je suis inscrit l'année prochaine avec ma femme. On y va tous les deux. Mais c'est là qu'il y a la meilleure ambiance. Là, pendant 6 jours, c'est une parenthèse total dans la vie, c'est beaucoup mieux que des vacances. On oublie tout le reste. C'est une vraie coupure à rigoler, à discuter pendant une semaine. Enfin, c'est absolument fabuleux. La course à pied, c'est presque annexe en fait là-dedans. C'est ce que je me dis en t'entendant, c'est secondaire. Ouais, ça l'est vraiment. Et la performance encore plus. Enfin, pour moi, parce qu'il y en a évidemment qui vont courir pour la gagne. C'est pas du tout mon cas. Encore moins aujourd'hui qu'avant, mais. Bah, des fois, tu arrives sur une course, tu regardes un peu qui est là, tu dis ah ouais, peut-être que ça peut le faire, mais c'est secondaire en réalité, on s'en fiche. Il n'y a rien à gagner là dans l'histoire. Hein. Tout le monde s'en fout qui a gagné en fait. Ouais, et puis on l'oublie très vite, effectivement. Alors tout ça, donc tu as fait ça dans les fins des années 2000, dans les années 2010. Et puis, comme pas mal de monde, dont moi par exemple, tu as eu une coupure. Ce qui s'est passé, c'est que, probablement à force de s'entraîner, parce que la course à pied c'est progressif, hein, plus on court, meilleur on est en fait. Hein. Évidemment, il y a l'âge, mais c'est quand même le nombre de kilomètres qui est le facteur premier de la performance. Hein. Il faut qu'il y ait des kilomètres, il faut s'entraîner. Quoi. Donc au fil des années, je me suis un peu amélioré, oui, j'ai commencé à faire des performances un peu meilleures. Et puis, c'est arrivé l'année 2013 où j'ai battu tous mes records. J'ai battu mon record en marathon, j'ai battu mon record en 24 heures, c'est là que j'ai fait les 222 kilomètres. J'ai gagné des courses, j'ai fait, presque 130 kilomètres aux 12 heures, je ne sais plus. Enfin, 100 kilomètres aussi, tu as fait. Ah oui, j'ai fait 8 heures 10... 8h20, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, 8h10, je ne sais même plus. Au 100 km, j'aurais même arrivé deuxième. C'était rigolo parce que c'était les 100 km de Sologne, je crois qu'il n'existe plus, je ne sais plus. Mais c'était rigolo, façon de parler. Il faisait assez chaud, donc j'étais loin de la tête, mais au fur et à mesure que j'avançais, je voyais les gens au bord de la route avec les services, avec les secours. Donc j'ai fini deuxième, par élimination on va dire, parce que le chrono en soi n'était pas, pour un 100 bornes, c'est pas un chrono de vainqueur quoi on va dire. Non, c'est pas 6h30, cependant, moins de 8h30, il n'y a pas non plus une énorme densité. Hein. Ouais, en fait, comme souvent, j'étais parti comme un fou, presque à ma vitesse marathon, puis je l'ai tenu jusqu'au 90e on va dire. Ouais, j'étais en forme. Bref, tout ça pour dire qu'en 2013, c'était vraiment une année où j'étais très très en forme. 2014, j'ai battu tous mes records. Et ça devenait vraiment difficile en fait pour moi de faire mieux. Alors, mon record au marathon, c'est pas génial, mais j'avais. Psychologiquement, c'était très important pour moi parce que j'avais tenté beaucoup beaucoup de fois. J'avais fait 3h01, 3h02, 3h20, enfin, pas mal de fois en fait. Et en 2013, j'ai fait 2h59 et 20, je sais plus combien, 28 secondes, peut-être quelque chose comme ça. Donc dans ma tête, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais fait, sur 24 heures, c'est pareil. Je pouvais peut-être grappiller quelques centaines de mètres, mais l'effort pour y arriver, c'était trop, quoi. Je m'entraînais déjà beaucoup, donc j'ai eu une certaine lassitude et j'ai commencé à moins courir. 2014, j'ai fait encore des belles performances, mais plutôt sur, on va dire, avec l'élan, quoi. C'est parce que je courais déjà un peu moins, et puis j'ai arrêté complètement parce que j'avais plus la motivation. Clairement, il y avait trop d'efforts, ça demandait trop d'efforts pour arriver à continuer à m'améliorer, en fait. L'idée, c'est pas de devenir un champion, bien sûr, hein, mais c'est essayer de s'améliorer. Voilà, essayer de progresser, on va dire. J'étais quand même beaucoup dans l'idée de progression à ce moment-là. Je suis d'une certaine façon encore, mais différemment. Et donc j'ai arrêté de courir complètement. Mais alors, complètement. J'ai pris beaucoup de Sans poids. faire d'autres sports non plus. Non, non, j'ai arrêté vraiment le sport. J'ai arrêté complètement, alors j'ai arrêté pendant 8-9 ans, on va dire. Mais il y a eu quand même des périodes où j'essayais de reprendre. Mais je reprenais pendant un mois, puis ça marchait pas, quoi. J'ai fait quelques courses, alors je me suis inscrit à un 24 heures par exemple en Malaisie, parce que j'ai un copain qui, enfin bref, un copain qui est en couple avec une femme qui est malaisienne. Et donc je suis allé participer à 24 heures là-bas, mais j'arrivais même pas à faire 100 km, quoi. Mais bon, sans entraînement, c'est normal, hein. Puis en plus, avec la température, l'humidité, enfin bref, un vrai cauchemar. Et bon, j'ai eu plusieurs tentatives comme ça, mais totalement infructueuses. Et puis en fait, ce qui est arrivé, à force de vieillir, c'est pas vrai. Enfin, aussi, il y a l'idée quand même de revenir à un poids décent, hein, parce que j'avais pris 20 kilos, hein, c'est quand même pas mal. Mais il y a aussi le côté un peu challenge aussi de pas. Retrouver une forme énorme, enfin peut-être si essayer de retrouver quand même une forme après le challenge en lui-même de retrouver la forme est peut-être plus important en fait que l'idée de redevenir un bon coureur. C'est pas tant ça à la base, c'est plutôt ouais, retrouver la forme. Et donc c'était il y a 2 ans, je me suis remis à courir, mais alors voilà, je me suis remis à courir avec beaucoup beaucoup de poids en trop, j'osais même pas sortir. Ça valait même pas le coup, hein, de m'habiller pour sortir. À l'époque, je me mettais sur mon tapis de course, je ne pouvais pas courir 5 minutes. Et ce n'est pas une formule, ce n'est pas une formule de style. Je ne courais pas 5 minutes, il fallait que je m'arrête. Mes premières sorties, c'était 5 minutes. Enfin, ou 2 minutes, un peu de marche, 2 minutes, etc. Mais par contre, tous les jours, enfin, ou presque tous les jours. Et alors, ce qui est bien, c'est que le corps a une mémoire. Et ça revient en fait super vite. Super vite. Et c'est encourageant, parce que sinon, on abandonne en fait. Si, au bout d'un mois, tu es à 10 minutes, bon, enfin, moi j'aurais craqué. Non, en fait, ça revient très vite. Très vite, tu peux courir 1 heure, et puis ton corps se souvient que tu as fait des trucs de fou. Et donc, assez vite, en fait, je me suis inscrit. Un marathon pour commencer. Parce que moi, je fais jamais de course plus courte que le marathon parce que comme je suis pas j'ai une VMA de enfin ridicule donc je pas, puis ça fait trop mal. Les 10 km c'est trop dur, ça fait trop mal. Donc je me suis inscrit à un marathon. J'ai une fille qui habitait à l'époque à Amsterdam. Maintenant elle habite un peu enfin elle habite toujours aux Pays-Bas, mais donc je fais beaucoup de courses aux Pays-Bas. Et je me suis inscrit au marathon d'Amsterdam tout plat et je me suis vraiment bien entraîné. Enfin, à ma façon, hein, toujours un peu du bricolage, mais quand même, je me renseigne un peu. Enfin, je commence à avoir une certaine expérience, à la fois expérimentale et puis aussi en écoutant les entraîneurs, on va dire. Même si j'ai pas d'entraîneur moi-même. Et j'avais un objectif quand même de faire 3 heures. J'espérais faire 3h20, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait 3h10 et quelques. Je crois que c'était ouais, autour de 3h10. Bref, une performance assez inespérée quand même pour moi. Et c'est là l'idée m'est venue. Je me dis, ah, ce serait quand même cool si je pouvais battre mon record 15 ans après. 15 ans après. Et ça m'a renforcé, du coup, ça a renforcé ma motivation. Et là, je me suis remis vraiment, vraiment à fond à courir. Ce marathon-là, en 3h10 et quelques, c'est combien de temps après que tu te sois remis à courir? Ah, c'est une bonne question. Je dirais peut-être autour de 6 mois, peut-être, ou 9 mois, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ça va vite quand même, hein. Ouais, ça va vite, ouais. Ah oui, le corps est vraiment incroyable. Enfin, on le sait tous, mais. Ouais, enfin, en moins d'un an, tu as perdu cette couche de gras en fait accumulée pendant Ouais. 10 ans, quoi. Alors moi, je suis absolument obsessionnel. Ouais, Dans ok. ma vie, comme dans le sport, est absolument extrémiste, on va dire. Alors, pas en politique, mais Par contre, dans le sport, oui. L'alimentation, donc, a été... Alors, moi, quand je fais un régime, je coupe. Et je fais... Alors, c'est n'importe quoi, j'en suis bien conscient. Hein. Je sais que c'est n'importe quoi. Je fais des yo-yo de 20 kilos, moi. Et je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Je me souviens que sur les forums, on parlait beaucoup de jeûne à un moment donné, sur UFO. J'ai fait pas mal de jeûnes, des jeûnes de une semaine, 10 jours. Et quand je dis jeûne, c'est à l'eau. Hein. Le dernier que j'ai fait, on pourra en parler sûrement. C'était ma stratégie de dernier marathon, c'est faire un jeûne juste avant. C'est-à-dire, on s'entraîne avec 5 kilos de trop et le jour du marathon, on a 5 kilos de moins. Ça compte. Hein. Alors, il faut... Je suis bien conscient que c'est n'importe quoi. Je sais que également qu'il y a un gros risque, que ça passe pas du tout, parce qu'il faut récupérer du jeûne. Moi, j'ai fait un jeûne de 10 jours, 10 jours avant le marathon. Dernier marathon. Ouais. Bref, on va arriver à ce marathon, parce que finalement, mon idée, c'était de battre mon record, de voir si j'étais capable de battre mon record 15 ans après. Et donc, je ressors de... on va dire, c'était en fin de l'année dernière, j'ai commencé une préparation de 6 mois, une grosse, grosse préparation, 6 mois, 6 séances par semaine, vraiment super structurée, avec tous les fractionnés qu'il faut, les vitesses marathon, beaucoup de vitesses marathon, du seuil, enfin bref. Quand je dis tout ce qu'il faut, je ne suis pas un expert, donc tout ce qu'il faut, d'après moi, ce qui est peut-être... Enfin, peut-être que des entraîneurs, enfin probablement que des entraîneurs considéraient que c'est n'importe quoi, mais enfin, bref. Alors sans doute pas n'importe quoi, puisque on va le voir, t'arrives quand même à peu près à ton objectif. Voilà. Et donc j'ai couru, ça c'était le marathon de Leiden il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et j'ai couru en 3 heures. Alors mon objectif c'était évidemment de faire 2h59, même un peu moins, même 2h58 si possible, quoi. Et j'ai fait 3h00 et pas mal de secondes, on va dire. Donc, bref, il y avait au moins 1 minute de trop. Alors, évidemment, c'est une super performance 15 ans après. Cela dit, je suis sorti de la course, j'étais dégoûté. C'est évident. Mais après coup, tout en réalisant que c'était génial, quoi. Parce que j'étais loin d'être convaincu que je pouvais le faire. J'aurais fait 3h10, à la rigueur, peut-être pas 3h10, parce que j'avais fait 3h10 un an avant. J'aurais fait 3h05, à la rigueur, j'aurais peut-être été plus content que ce que j'ai fait, finalement. Voilà, donc j'ai couru ce marathon à 3h, c'est une grosse préparation. La semaine après, juste une semaine après, j'ai couru le marathon d'Utrecht en 3h, je ne sais plus combien. 7, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah non, peut-être 12, 3h12, une semaine après. Donc j'avais bien récupéré. J'ai vraiment récupéré un super niveau de forme. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ces performances-là, parce qu'au final, moi, quand je suis sur une course, je suis à fond. Vraiment, toujours. J'ai toujours été, et je le suis encore. Ça n'a pas changé. Par contre, du moment que je passe la ligne d'arrivée, ou que les 24 heures sonnent, ou peu importe, que la course est finie, je me fous du résultat. Je réussis, c'est bien, je rate, je m'en fous. Donc ça, c'est pas important. Par contre, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir fait ce chemin-là. Ah oui. D'avoir été capable de faire ce chemin-là. Ça, j'en suis vraiment, vraiment très content. Ouais, content et puis peut-être un peu fier aussi de pouvoir un peu renverser la vapeur et d'être ce qui avait... on parlait souvent... souvent. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, en fait, d'être prêt... au pied levé, de partir faire 50 km en montagne, ça dénote esprit de forme qui est indéniable. Ça, c'est quelque chose que j'adorais à l'époque. Je me sens plus capable de faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, je sortais, je pouvais tout à fait mettre mon short, prendre un petit sac avec de l'eau et de quoi manger, ou simplement un peu d'argent pour pouvoir s'arrêter à la boulangerie et faire 100 km. Ça, je pouvais le faire sans problème. Ah oui, cette époque-là, j'en suis un peu, évidemment, j'ai des bons souvenirs, et c'est un peu nostalgique de cette époque UFO, où on faisait n'importe quoi, en fait. On faisait n'importe quoi, puis ça passe pas, puis peu importe. On était un peu plus jeunes aussi, alors on n'a pas tout à fait le même âge, mais pas loin, et c'est vrai que les années augmentant, le corps est quand même récupère moins vite... Des chocs aussi, enfin des chocs, des différences. Il y a ce phénomène de progressivité qu'il faut essayer de respecter un petit peu. Il y a 20 ans, si je le respectais pas trop, c'était pas très grave. Aujourd'hui, si j'ajoute 50% de volume de course à pied par rapport au mois précédent, je m'en rappelle, je le sens. Ouais. Alors moi, j'ai jamais autant couru qu'aujourd'hui. Hein. D'accord. Ouais. Et alors, je sais pas si on peut dire que je respecte un principe de progressivité, parce que c'est vrai que mon retour a été assez rapide finalement. Mais bah, j'essaie quand même, enfin, je garde quand même ça en tête, et je passe pas de 0 à 6 séances par semaine d'un coup, et je suis passé c'est vrai qu'au début, au tout début, oui, je faisais tous les jours, parce que je courais tellement peu, c'était 5 minutes, 10 minutes, enfin, bon, mais quand j'ai vraiment recouru, non, j'étais peut-être à 3 séances, après 4, 5, 6, voilà, bon, si je fais rarement plus, enfin, 6, plus que 6, c'est, on va dire que c'est de l'ordre de l'exception, ça arrive, on va dire, quasiment jamais. Mais ouais, enfin, revenir à ce. Ça a été assez vite, mais bon, c'est peut-être pour ça aussi que. Ouais, j'en suis super content. C'est clair. Mais en fait, c'est qu'une étape, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est. Ouais, comme je disais, je suis assez nostalgique du stand du faux, et j'ai envie de revivre un peu ça. Alors, je sais qu'il n'y a plus les mêmes gens, malheureusement, la roue a tourné pour beaucoup. Je suis content, justement, je t'ai suivi la semaine dernière sur l'UTB, c'était génial, quoi, parce que c'était un peu revivre ça, c'était cool. Il y a un petit peu ce côté boy scout, camp de vacances, comme ça, en effet, sur les épreuves, où on se retrouve, on est content d'être là. Des fois, ça se passe moins bien, des fois bien. Mais il y a en effet le côté être ensemble, rigoler un coup, faire des bêtises, ouais. En fait. Ouais, faire des bêtises, ouais. C'est bien, c'est une belle définition de l'ultra, faire des bêtises, en fait. Ouais. Et dans mon retour, l'année dernière, j'ai couru l'UTB, puisque, ouais. Et comme je disais que la performance, en fait, elle importe peu, c'est une bonne illustration, parce que je l'ai fini, donc ça, c'était génial. Mais j'arrive quasiment. Je ne suis pas dernier, mais vraiment, vraiment dans les tout derniers de la course. Et c'est probablement, en tout cas, entre elles, c'est, je ne pense pas me tromper, la course que je suis le plus heureux d'avoir terminée. Vraiment, j'avais une joie, mais une telle joie d'avoir franchi cette ligne. On ne va pas dire que c'est de la fierté, mais si, quelque part, c'était un peu c'était le résultat, finalement la validation de mon retour, quoi. Oui. Voilà, j'ai réussi à faire ce trail. Alors j'ai vraiment énormément souffert, pas tant d'ailleurs physiquement, mais c'est mon corps, mes pieds étaient plus habitués, enfin j'ai vraiment vraiment beaucoup souffert, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, mais c'est une étape importante dans le chemin de ma reprise, en fait, être capable de refaire un ultra trail. Alors, je suis pas encore une fois, je me sens pas trailer, et je suis pas, pour moi le trail c'est pas le summum, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de faire tout, enfin j'ai envie de toucher à tout en course à pied, enfin au-delà de 40 km, on va dire, hein, parce que... Et donc et prochaine étape, c'est pour moi, c'est l'échappée belle, c'est ça. Donc après l'ultra tour du Beaufortin l'année dernière, c'est l'échappée belle cette année, on est sur la pente ascendante, en effet, la progression, ouais. Parce que sur l'ultra tour du Beaufortin, c'est 110 km, c'est parmi les terrains les plus difficiles sur cette distance, sur ce format en France, pour moi. Et l'échappée belle, sur 140 km, oui, ça, sans compter, c'est le plus difficile. Hein. Ouais, mais moi, comme je disais tout à l'heure, moi, si j'attends d'être prêt pour m'inscrire, je ne ferai jamais. Moi, je viens de Haute-Normandie, hein, même s'il y a Haute dans Normandie, enfin, on n'a pas beaucoup de dénivelé chez nous. J'enchaîne les montées de falaises et descentes de falaises, mais bon, ça ne vaudra jamais... Les allers-retours, je sais pas, au col du Morétan ou je ne sais quoi, ou, ou à la Croix de Beldonne. Donc, je m'entraîne comme je peux et le résultat, je m'en fiche en fait. Si je finis pas, je finis pas. Moi, j'ai beaucoup abandonné, énormément abandonné. Ah oui, justement, je croyais pas. J'ai beaucoup abandonné. Parce que, comme je te disais, moi, je suis à fond sur les courses. Moi, j'ai toujours été, c'est en quelque sorte en recherche de performance, mais performance par rapport à moi-même, évidemment. C'est ni le classement, ni le chrono. Enfin, si, un chrono que je me fixe moi-même, mais... Et si, je me fixais des objectifs quand même, toujours. Que ce soit sur 24 heures ou 6 jours, ou, et c'est vrai, ou sur trail. Et c'est vrai que dès que je vois que c'est plus possible, je lâche. Alors moi, j'ai une... Enfin, j'ai un cerveau très, très, très, très fragile de ce côté-là. Alors, c'était à l'époque, hein, parce que l'année dernière, ça a été totalement différent. L'UTMB, je voulais vraiment finir. Je me disais, si peut-être que je finirais pas, mais c'est parce que je serais mis hors course. Ouais, pour les barrières horaires. Mais je ne s'abandonnerai pas, ça c'est sûr. Alors, on ne peut jamais être sûr, mais c'est ce que je me disais. Et ben, l'échappée belle, là, j'y vais avec un esprit un peu comme avant. Enfin, pas comme avant, parce que la performance, je ne vais pas y aller pour un chrono, ça c'est sûr. Ni pour un classement, encore moins, évidemment. Mais si je finis pas, je m'en fiche. Ok. Moi, c'est un voyage. Pour moi, le trail, ouais, je le vois plutôt comme ça aujourd'hui. Hein. C'est un voyage. C'est l'occasion de faire un voyage, et c'est un voyage. C'est d'aller dans des endroits où je ne pourrais pas aller tout seul, et puis avec des ravitaux, ce qui fait qu'on peut y aller assez léger. Pour moi, c'est ça le trail, enfin l'ultra trail. Le trail court, ça n'a rien à voir, mais l'ultra trail, c'est ça. Donc là, je suis inscrit à l'échappée belle, parce que c'est beau, parce que j'aime bien les cailloux. Bah, les montées, je vais souffrir, les descentes, on verra. J'étais plutôt bon en descente à l'époque. J'ai beaucoup plus peur aujourd'hui avec l'âge. J'étais très mauvais en montée à l'époque et je m'améliore plutôt en montée. Ça, c'est qu'il est plutôt en fait. À l'époque, j'étais mauvais en montée, ouais, plutôt bon en descente. Aujourd'hui, on va dire que ça s'équilibre un peu mieux. Donc, j'espère que ça se passera pas trop mal. Mais bon, 11 000 mètres ou quelque chose comme ça de D+, je sais bien que. Bon. Pour moi, c'est presque la définition de l'infini en fait. Donc. Bah, après, en tout cas, t'as plutôt bien orienté ta saison, puisque t'as une première partie de saison plutôt axée vitesse, on va dire, enfin endurance, foncier et vitesse. Là, t'as fait un petit bloc en montagne avec ce cher Vincent Delbar. Deux blocs en montagne. Bah, j'ai fait d'abord un Dumbledon avec un copain pendant 4 jours. On a fait une reconnaissance. C'était en juin, et donc il y avait beaucoup de neige. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Et là, je sors en effet un petit bloc avec Vincent. 4 jours dans le dévolu, qui était... Enfin, là, c'est du caillou. Alors, c'était... Bon, lui, il appelle ça Alpi Trail. Pour moi, c'était plus Alpi que Trail, mais c'était super. Vraiment, c'est magnifique. D'abord, Vincent est super. Et puis, il m'a concocté des parcours incroyables. Avec de l'escalade, hein, faut dire ce qu'il est. L'escalade, moi, je n'ai jamais fait d'escalade, mais... Alors, c'est de l'escalade facile, mais quand c'est sur 500 mètres ou 700 mètres... Wow, c'est long. Donc ça fait des. Il faut pas regarder trop sa montre. C'est parfait pour Beldon. C'est du beau dénivelé, ouais. On a fait des descentes incroyables dans des pierriers. Alors là, on s'est bien lâché dans les descentes dans les pierriers. C'était vraiment, vraiment fun. Puis sinon, je disais que pour moi, le trail, c'est le voyage. Je suis inscrit à un trail en Indonésie à la fin de l'année. Là. Donc, sur un long format. Alors, j'ai pas pris le 160 parce que comme je serai en vacances, je veux aussi faire d'autres choses. J'ai fait le 100 km avec moins de dénivelé, hein. Mais c'est dans les volcans, ça va être, ça va être sûrement magnifique. Ouais, c'est ce que je dis souvent, hein, le trail, en tout cas sur les formats longs, généralement, les organisateurs, eh bien, ce qu'ils veulent, c'est partager le plus beau de leur région, de leur pays. Ouais. Et donc, toi, tu es juste là et tu arrives. Tu vas passer une journée, deux journées, mais tu vas dans les plus beaux endroits qui sont pas forcément facilement accessibles. Exactement. Ouais. T'as toute l'infrastructure qui est là pour toi, c'est génial. Puis en Asie, le service c'est quelque chose. Donc les ravitaux, je pense que ça va être magnifique. Je pense qu'on va bien manger. Et donc les 6 jours l'année prochaine. L'année prochaine. Ok. Voilà le programme. Et alors parmi, donc 40 ans que tu fais de la course à pied et une vingtaine d'années de l'ultra, un peu moins de 20 ans de l'ultra, nos disciplines ont pas mal, beaucoup évolué sur cette période. Comment tu vois ça, toi? Comme un vieux con. Qui t'ulcère, d'autres que tu trouves géniaux Alors, le cumulcerf, non. Parce que moi, je suis plutôt passif par rapport à ça. Bah, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Mais c'est vrai que bah, il y a des courses que j'aimerais bien faire. Enfin, mais que je fais pas parce qu'il y a trop de monde. Moi, j'aime pas les courses où il y a beaucoup de monde. Je suis allé à La Réunion, je l'ai fait une fois. C'est magnifique. C'est vrai que j'y retournerai bien à La Réunion. D'autant que j'ai abandonné. J'abandonne souvent, comme je te dis, et puis souvent très près de la fin, en fait, hein, à 30 km de la fin. Hein. J'ai abandonné le JRP une fois à 30 km, enfin, au dernier ravito, avant l'avant-dernier ravito, enfin avant la dernière côte généralement, voilà, c'est ça. Bah, à La Réunion, c'est pareil, j'ai abandonné à 30 km de la fin. J'avais traversé l'île déjà, mais il manquait la dernière partie. Donc je retournerai bien là-bas, mais c'est trop compliqué, c'est trop de monde. Quand on. Pff, Il faut aller s'asseoir 2 heures avant le départ pour. Enfin, c'est insupportable en fait. Bon, l'UTMB, j'en parle pas, c'est trop compliqué pour s'inscrire. Moi, j'aime bien les petits pelotons. Alors, ça devient compliqué entre elles, ça, c'est vrai. Ouais. Là, je vais en Asie, on va pas être beaucoup. Non, je pense, ouais, en Là, effet. c'est cool. Mais même, je vois même l'UTB, hein, qui reste une super organisation familiale, tout ça, c'est génial, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je me suis inscrit l'année dernière. L'échappée belle, je pense que c'est à peu près la même chose. Mais ça reste quand même 700 personnes, quelque chose comme ça au départ. Hein. C'est quand C'est même pas rien. 700 Hein. personnes et tous les dossards sont vendus en moins d'une journée. Ouais, En donc quelques heures, ça tout est c'est parti. ouais, ça c'est difficile. Bon, moi, je suis assez à l'aise avec Internet, mais bon, c'est vrai que ça rend les choses pas très agréables, c'est Non. sûr. Mais quelle est la solution? Il n'y en a pas. Il faut vivre avec, quoi. Point barre. Après, est-ce qu'un système de tirage au sort, c'est mieux? Non. Bah, non. Enfin, j'en sais rien. Après tout, je m'en fous. Qui suis-je pour dire quelle serait la meilleure méthode? Je pense que les organisateurs sont les mieux placés pour le dire. Ouais, c'est eux qui organisent. Ils ont le droit de choisir leur système de sélection ou pas. Mais Donc c'est ouais, vrai en effet, que c'est le... pas quelque chose que j'apprécie, bien sûr. Mais cela dit, moi, comme je viens de la route et en particulier des courses horaires. Moi, je suis jamais allé sur trail pour l'ambiance, pour l'esprit trail. Pour moi, ça n'existe pas, l'esprit trail. Hein. C'est de la connerie, ça. L'esprit ultra, je veux bien, mais l'esprit trail, non. Moi, j'ai jamais vu, en tout cas. Hein. Et puis, moi, ce que je déteste, c'est marcher cul à cul, là, enfin, le visage au niveau du cul de la personne de devant. C'est insupportable. Et puis, en descente, comme j'étais bon, moi, je supporte pas d'être en peloton. Moi, j'aime bien courir seul, en fait. Ah bon, du coup, bah ouais, UFO c'était bien, les off, tout ça, c'est wow, génial. Et puis j'en ai fait des beaux, hein. Ouais. Des beaux à la fois par les personnes qui étaient, et puis des beaux tout seuls aussi, beaucoup, pas mal. Ouais. Mais en fait, de l'époque, mes meilleurs souvenirs, c'était des souvenirs de off. Plutôt que de course, en réalité. Déjà à l'époque, alors aujourd'hui, bah ouais. Bah évidemment, traverser Beldon, le massif de Beldon en off. Ah, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Il y en a peut-être qui peuvent le faire, mais pas moi. Donc, je m'inscris à la course. Et puis, ça va forcément être sympa. Hein. Mais il y a beaucoup de monde. Il faut être prêt. Je crois que la première montée fait 1600 mètres ou quelque chose comme ça. Bah oui, ça va être en file indienne. Hein. Bon, c'est 2 nuits. De nuit, on a l'esprit qui est un petit peu ailleurs. C'est pas grave, ça passe vite. Ou sinon, faut partir très fort devant. Ouais, non, ça ne sera pas mon truc, ça. Non, non. Non, mais c'est vrai que partir très lentement derrière, ça, par contre, ça peut marcher. Bah, pareil, il y a les barrières horaires, quand même. Ouais, faire attention à ça. Est-ce que sur toute cette période, tous ces gens que tu as croisés, il y en a deux, trois qui t'inspirent, de leur parcours ou de ce qu'ils ont dégagé, que tu as gardé particulièrement en mémoire? Alors moi je suis pas fan, je suis un fan de personne, enfin, que ce soit en course à pied ou en musique, il y a des groupes que j'adore, mais je vais pas aller voir leur vie, quelle marque de slip ils portent et tout ça m'intéresse pas quoi. Pour la course à pied, je suis obligé de mentionner Serge Girard parce que fatalement d'abord c'était un copain et puis enfin maintenant je le vois plus trop, mais c'est par lui que ça tout est arrivé, hein. Donc bon clairement je suis obligé de le mentionner et puis il a fait rêver quand même avec ses traversées. Moi j'étais fou de l'Australie, hein. Je suis allé vivre là-bas pendant un moment, mais à l'époque non, j'y étais pas encore allé. Je rêvais d'Australie quand il a traversé l'Australie, c'était fascinant. Donc oui, Serge Girard, je suis obligé de le mentionner. Évidemment que j'étais impressionné par les performances de trailer, enfin je sais pas, Kylian Jornet évidemment, moi j'ai commencé le trail à l'époque où il arrivait, c'était un extraterrestre, mais je suis pas fan de Kylian Jornet, et bon, je peux apprécier le personnage éventuellement, mais je le connais pas en fait, je connais un peu le personnage médiatique, mais c'est vrai, quand je l'ai croisé sur une course, une fois, c'était dans les Pyrénées espagnoles, c'était quelle course, je sais plus comment ça s'appelle, bref. On voit que c'est un coureur simple, il était au milieu de tout le monde, quoi. Donc c'était appréciable, mais oui, j'étais impressionné par ses performances. Aujourd'hui, il est plus tout seul, donc c'est un peu différent. Il y a quand même pas mal de, enfin quelques coureurs qui sont quand même à un niveau extraordinaire aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment un extraterrestre. Mais par contre, des gens qui m'ont marqué, ouais, sur le Forum UFO. Le coureur que j'aurais rêvé d'être, c'était Eric Bonnot. Vraiment, pareil, c'est ce qu'il laissait passer sur le forum. Hein, très décontracté. Ouais, et puis performant quand même. Hein. Super, ah, oui, c'est ça, la performance super, dans la décontraction, ah, ouais, et dans le... J'aurais adoré être Eric Bonnot. Dans le côté un petit peu... c'était un peu Mr Bean aussi, il faisait des conneries voilà, très régulièrement, il oubliait des trucs. Fin... Les trails en chaussures de route, enfin... Ah ouais, ça j'aurais adoré. Mais bon, j'étais loin de ce niveau-là, en particulier en montagne, quoi, c'était pas possible. Mais plein, parce que... Et puis plein de gens que je croisais sur les courses horaires aussi. Christian Mauduit, impressionnant. Alors c'est pas du tout mon style d'entraînement, lui, c'est scientifique, il est super carré, moi c'est à l'arrache. C'est assez expérimental, mais lui, enfin, on sent bien que tout est calculé. Et ses courses, c'est minuté presque, on va dire, précise. Et ça marche pour lui, et c'est génial, quoi. Mais, et lui aussi, il est d'une certaine façon, c'est pas comme Eric Bonnot, mais d'une certaine façon, ouais, c'est... À la fois, c'est scientifique, et à la fois, il va dans toutes les directions, il fait des trucs incroyables. Ouais, j'aime bien. Petit côté aventurier. Ouais. Ouais. J'ai fait des rencontres, c'est super sympa. Enfin, je sais pas, tu te souviens de Sabre, Gaëtan Sabre, on a fait des tas de off avec lui. Qui est bien aussi dans notre discipline, c'est qu'en fait tout le monde peut être une figure et peut être inspirant. Ouais. Et c'est aussi le but de ces petits entretiens, c'est de montrer des gens normaux. Et ça peut nous éveiller en nous quelque chose par rapport au parcours, haut, au bas, et se dire, ben ouais, ça correspond à ce que j'ai fait, pourquoi je m'y remettrais pas, et voilà, ouais. Redonner peut-être un peu de confiance et d'envie aussi. Je trouve ça bien, voilà, de voir des vrais gens, pas des athlètes, pas des élites, pas des gens qui ne font que ça. Il y avait aussi Runner 14 qui était super présent sur le forum. Pascal. Et lui, je le vois encore, j'ai fait un off avec lui. J'ai fait un 6 heures off chez lui à Caen, il y a un an ou quelque chose comme ça, un peu plus d'un an on va dire, avec ma femme d'ailleurs aussi, elle a marché. On a fait un 6 heures avec Christine, sa femme et lui, tous les quatre autour du champ de course à Caen. Renard 14, ouais, Pascal Pérez et Christine Pérez. C'est des personnages marquants, ouais. Et c'est génial parce que c'est des gens qu'on rencontre, enfin j'aurais jamais rencontré. Moi je parlais de finance tout à l'heure, ouais, j'ai fait... Enfin, j'ai travaillé dans la finance, c'est un autre monde, quoi. Bon, que j'ai quitté, hein, parce que j'en pouvais plus, mais c'était pas mon monde. Mais n'empêche que c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés. Mmh. Et c'est génial, ce forum de course à pied qui était bienveillant, par opposition à d'autres d'ailleurs, de course à pied. Enfin, je parlais d'un autre forum tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé cette bienveillance sur l'autre. Ok. Ouais, tant qu'on faisait des marathons, ça c'était bien, mais quand on passait à l'ultra, là, on n'était plus des coureurs, on était... Enfin, peu importe, d'ailleurs, moi je m'en fous, qu'on me dise que je suis un randonneur, que je suis... qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais... J'en ai rien à faire, mais je veux dire, il n'y avait pas cette bienveillance. Okay, okay. Alors que là, je suis sur le forum UFO, ouais, moi je me sentais pas tellement... J'avais pas l'expérience suffisante pour intervenir beaucoup, on va dire. Je me sentais pas très légitime pour donner des conseils. Alors, Mais j'étais plutôt là comme. J'intervenais de temps en temps, mais comme, plutôt comme spectateur. Pas comme spectateur, mais ouais, je lisais beaucoup, en fait. J'ai toujours été beaucoup, beaucoup sur ce forum-là. Et je lisais presque tout, en fait. J'ai beaucoup été inspiré par les gens du Forum UFO. On parlait des personnes qui m'ont inspiré, ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup aussi que je connaissais pas, je connaissais que le pseudo, et puis je m'en souviens plus aujourd'hui, je peux pas les citer d'ailleurs. Bon, j'aurais peut-être dû citer personne, parce qu'évidemment, ou je devrais en citer trop en fait. Et puis il y a aussi les personnes des 6 jours, parce que là aussi il y a des profils vraiment incroyables, des gens qui viennent de partout. Pareil, que j'aurais jamais rencontré. On est dans des mondes totalement différents, mais pendant une semaine, on est une famille. C'est génial. Voilà, du coup, bah, c'est vrai qu'on a, on a quand même un point commun. Hein. Moi, je me retrouve beaucoup dans tes interventions, souvent, quand tu, enfin, sur Facebook, peut-être que tu écris des choses. Oui. Ouais, je me retrouve souvent dans ce que tu écris, parce que bah, on partage ce point commun qu'on a arrêté pendant un moment, et puis que bah, c'est dur de revenir, mais en fait, ça marche quand même. Ça marche, c'est ça qui est bien. Alors, on a, enfin, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de blessures sérieuses à long terme. Voilà, il y en a quand j'ai les genoux fracassés, les hanches fracassées. Je suis exempt de ça pour l'instant, donc ça facilite aussi le retour, en effet. Mais après, d'autres se mettent au vélo, enfin, à d'autres choses aussi. Donc, oui, il y a de l'espoir. Moi, j'ai essayé quand j'ai vécu en Australie et... Il y a beaucoup de triathlon en Australie. J'ai essayé, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai essayé d'aller nager 3 fois, puis faire du vélo 2 fois, puis non. Ça ne marchait pas ni l'un ni l'autre. Alors je sais qu'il faut plus de 2 ou 3 fois pour, pour que le corps s'habitue. Mais non, je ne comprends pas pourquoi, même à ce point-là, comment c'est possible que le corps ait une si grande endurance dans un sport, la course à pied, et puis une si petite endurance, si faible endurance à vélo. C'est pas du tout les mêmes muscles, je sais pas. Ça fonctionne pas de la même manière, effectivement, puis il y a une certaine biomécanique à choper aussi à vélo, de la technique, oui, sur mine de rien. Technique aussi, ouais. Mais... Donc du coup, le triathlon, pour moi, ça a duré un mois ou deux, quoi. Écoute, je pense qu'on va arriver à peu près vers la fin de notre petit entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose de particulier ? On a un spectateur. Tu veux dire quelque chose ? Bah, écoute, le fait que je sois là devant toi, c'est quand même aussi le résultat de notre tour à tous les deux. Donc, quelque part, je trouve que c'est... c'est chouette, enfin, c'est chouette qu'on puisse se parler face à face. Et ça prouve qu'on a réussi tous les deux à revenir après autant d'années. Moi, je suis super heureux parce que ça permet de revivre un petit peu ce temps de UFO, puis un peu de refaire renaître cet esprit qui n'a jamais vraiment disparu de ma tête, mais... À un moment donné, quand même, je me sentais plus trop légitime pour me dire coureur ou coureur d'ultra ou je sais pas quoi. Et puis, ça montre aussi que voilà, enfin, tout ça était quand même basé sur un forum, donc c'est genre des relations à distance. Et malgré tout, bah, sur du long terme, on arrive quand même à maintenir un lien et à se retrouver avec grand plaisir, à discuter de l'époque passée, mais aussi d'aujourd'hui. Ouais. On est toujours bien vivant sur deux jambes. Il y a un avenir. Ah, mais ouais. C'est vrai, c'est vachement important et c'est plein d'espoir pour d'autres personnes qui pourraient être aussi en difficulté. Ouais, ouais. Ouais, puis ouais, je trouve que c'est... Finalement, les réseaux sociaux, ça a plein de défauts, mais il faut en garder le meilleur. Hein. Puis, par exemple, Strava, tout le monde... bien sûr qu'on peut critiquer Strava, c'est évident. Mais ça permet de garder des liens. Donc ça a quand même ce côté positif de... Finalement, on s'est retrouvé beaucoup hein, sur ce travail des UFO. Donc il y a quand même les vertus de ces réseaux sociaux. Je pense qu'il faut en profiter. Prendre ce qu'il y a à prendre et puis jeter le reste. Voilà. Et bon, très bien. écoute, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi, surtout. Vraiment heureux de... de t'avoir revu. La première fois qu'on s'est vu en live, c'était sur le GRP, je crois. Toi, tu étais là comme journaliste, et puis moi, j'essayais d'être coureur. Ouais, bah, ça devait être en 2008 peut-être. Non, pas, 2000, si, 2008, 2009, 2009 sans doute. Ouais, je pense 2009, c'était l'année, la première année où je l'ai fait et j'ai arrêté avant la fin. J'ai fait 30 km de la fin, quelque chose comme ça. Et l'année suivante, j'ai recommencé et je l'ai fini. Ouais. Donc je suis venu en 2009 et 2010 sur le GRP. Et voilà, de bons souvenirs pour ceux qui étaient à Vialor, et ça existe toujours. Et il y a. Ouais, et j'exclus pas de le refaire parce que je pense que l'esprit, lui, y est toujours. Ouais. C'est les mêmes Ouais, organisateurs. ouais, ouais. Je pense que oui, c'est une belle course. Et puis c'est un super beau parcours aussi. Hein. Alors, il n'y a pas la magie de faire le tour d'un massif, mais c'est magnifique. Ouais, les C'est Hautes-Pyrénées, sauvage, c'est ouais. chouette. Ouais. Très bien, ben voilà, rendez-vous. Moi aussi, ça, j'ai couru que le 75 là-haut et ça peut me tenter. On pourra y réfléchir. Eh ben, merci, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci.